j'ai dû changer. Des remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus, pète la porte, vers 6 AM. Je marcherai mieux, ou après demain. J'te pose une rose sur ta fronde, ma fille. J'te pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Ça les fait, le mal est fait, parce qu'il fallait. Mon chemin croisé, ça fait terre, ce qu'il paraît. On réfléchit comme un bon coup. Mais pas tomber n'importe où. Traîne pas avec n'importe qui. Je fais le tour de la caisse au boîtier. Et s'il faut tuer tout le monde, les gamins vont pas hésiter. Ça tire et ça tourne. C'est qu'on a peur de personne. Fais 6 millions, on tourne en rond. Je creuse aux anges, je creuse au diable. Je tourne en rond. Métronome comme un arbre. Gennaro. Les guitares dépassent des fenêtres. Les 4 anneaux. J'ai encore des gens qui vont nous dévisager. Des remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus, pète la porte, vers 6 AM. Demain j'serai mieux, ou après demain. J'te pose une rose sur ta tombe, ma fille. J'te pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Le sale est fait, le mal est fait, parce qu'il fallait. Mon chemin se croise et s'en fait parce qu'il paraît. Chaud comme l'Etna, chaud d'un four dans ma renoble. J'tiens de Beretta, 420 par seconde. J'meurs pour chaque membre meurt pour moi. Elle entend des noms, elle tombe dans mes bras. Et sa mère la morale, le semi-rigide en transit. Une France qui dépasse de la Norac. J'en ai jamais vu que c'est aussi gris. L'orage fait parler les oracles. Une presse s'arrête sans charge en plein vide. Le truc est le nom fait de mes 5 sens. Et j'fais comme si j'avais 5 vies. J'ai encore des gens qui vont nous dévisager. Des remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus, pète la porte, vers 6 AM. Demain j'serai mieux, ou après demain. Je pose une rose sur ta tombe, ma fille. Je pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Le sale est fait, le mal est fait, parce qu'il fallait. Mon chemin se croise et ça fait terre, parce qu'il paraît.